Et aujourd'hui, en fait, tu sais, Suno, qu'une des idées d'avoir invité au programme de radio aujourd'hui, c'était pour parler d'un compagnon là qui est en train de encore se taper une grosse préventive et dont on n'entend presque pas parler parce qu'il s'en est pris aux banques. Alors. C'est le crime numéro un. Ouais, c'est le crime numéro un pour le système. Alors, on passe à vous informer sur la situation d'Henrik Durand. Allez-y, Borges. Bon, Henrik est arrêté en France, dans une maison d'arrêt, dans le nord de Paris. Et les jeunes, nous avons reçu les messages pour les réseaux de soutien avec la mère. Et comprendre un peu qu'est-ce que ça passait. Et il y a une accusation nous considérant fallace de l'État français pour blanchiment de crypto-monnaies et de bande organisée. Et son avocat a fait 5 appellations et ça a passé 2 comme audience pas publique. Et alors, c'est 7 mois après de la détention, il reste avec un ordre de quitter la France, de rétablir, mais après la retirer. Et maintenant, il est encore dans cette prison du nord de Paris. Il y a la réseau de soutien Liberta d'Henrik Durand.net. C'est un peu le site web où vous pouvez trouver toute l'information de qui est il, comme il fait son communiqué pour parler de son situation légale. Bon, merci beaucoup pour cet espace pour parler d'un prisonnier politique, je considère, dans la République française. En cette prison qui sont super pauvres, encore il y a beaucoup de prisonniers sans judice, sans profs, qui passent préventivement, tu m'as dit hier, peut-être 12 années, c'est pas, il a passé 7 mois, et maintenant c'est le moment de donner cette information à les groupes afins de tout le réseau, la fédération. Anarchiste, perquè és un personatge mediàtic també dans la Catalunya, l'han apel·lat les robants du banc, les mediats, i ça s'ha fet très connu dans els moviments autònoms, libertaires, anti-autoritaires, et c'est ça. Et Suno, on a regardé avant de venir pour pouvoir en parler un peu au public, parce que c'est pas une radio particulièrement qui fait partie d'un milieu particulier ni des réseaux particuliers, si ce n'est celle des travailleurs et travailleuses qui sont en train de trimer à ce moment-là, et dans les chantiers, dans les officines, dans les écoles et tout et tout. Et pour en parler de pourquoi on appelle Henrik Durand et les Robins du Bois des banques. Eh bien, parce qu'il a fait un bon coup. C'est un gars qui était pas mal expert dans tout ce qui concerne l'informatique. Et il a eu la bonne idée. Il a étudié la question des banques et il s'est rendu compte qu'il y avait des choses possibles, des entourloupes possibles à leur faire. Et il avait donc, souscrit à plusieurs crédits auprès de plusieurs banques dans un même moment, dans la même journée ou au moins la même semaine. Et puis, une fois les crédits accordés, il a réussi à faire disparaître l'argent et à le distribuer pour, entre autres, il a financé des revues révolutionnaires, il a aidé à monter des coopératives et des choses comme ça, quoi. Et évidemment, il s'est fondu dans la nature. Il a vécu pendant 15 ans clandestinement jusqu'à se faire arrêter, donc comme on vient de vous le... Oui, en fait, ce que j'ai bien compris, si j'ai bien compris... Mais c'est une sorte de hold-up informatique. Oui. En fait, là, sur cette question-là, si vous savez, dans les années 90, en particulier, dans les débuts des années 90 et 2000, il a émergé à Barcelone et d'autres endroits l'idée de remettre en question la monnaie. C'était, on va dire, les prémices de ce qui après a été les moments des 15e et tout cela, dans lesquels on commence... En fait, c'était les grosses crises des années 90. Ça annonçait... ben, la boule financière qui allait se passer là-bas, et on voyait chaque fois plus la délinquance des banques, leurs desalojos, les gens qui commencent à se faire virer et tout cela. Et ses compagnons-là, il a eu cette idée d'escroquer les banques. Alors, il n'y a rien, vraiment rien de pire actuellement que son prendre aux banques. Ah, aux banques ou à l'argent. Ou à l'argent. Rappelle que je ne sais pas où c'en est maintenant, parce que le viol doit être un peu plus puni qu'il ne l'était. J'ai pas suivi. Mais pendant très longtemps, la fausse monnaie était largement plus punissable qu'un viol. Oui. Fausse monnaie, c'était les travaux... Les travaux forcés à perpétuité, hein. Oui. Un viol, tu pouvais t'en sortir avec pas grand-chose. En tout cas, là, ses compagnons, il a resté à peu près une quinzaine d'années en clandestinité, histoire de que les eaux se calment et que l'affaire, il arrive à appréhension, quoi. Et après, il y a un truc qui est intéressant de sa réflexion. Sa réflexion, il dit, et c'est quelque chose que moi aussi j'ai beaucoup à reprocher au mouvement anti-autoritaire, mais aussi de tout secteur. Et j'ai dit, plus vous faites des réseaux, moins vous avez des thunes. Tu vois, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va s'organiser, on n'est pas fauché pour acheter une putain de pack de bière, ni pour sa weed, ni pour aller voir un concert. Par contre, quand il faut mettre de l'argent pour l'organisation et pour la lutte, ça coûte un peu moins. Là, c'est un constat. Hein. Ce n'est pas. J'ai dit, il y a un moment où il faut savoir que si on veut lutter, il nous faut du fric pour lutter. Et bien, c'est une des solutions qu'il tentait de mettre en place. Rick, qui se retrouve actuellement prisonnier dans le nord de Paris, près de Nantes, si je ne me trompe pas, et dont pour suivre, soutenir et accompagner cette histoire, les contacts sur internet, c'est libéré, c'est Libertad, Libertad Duran. Avec une T, c'est pour net. Libertad Eric Duran .net. Donc vous pouvez vous renseigner sur ces questions-là. En tout cas, aujourd'hui, dans les peu qu'on a entendu avec Sun, on sait qu'il a été naïf quand même, les gars. Parce que, en fait, la façon dont il s'est fait choper, c'est parce qu'il a pris, il a donné des services à des gens concernant le fait de transformer l'argent en crypto. Mm. Et je pense que là, ils les ont mis des indiques. Et donc, du coup, il a aidé des indiques. Et c'est pour cela que c'est compliqué aussi pour lui-même de demander à nous de le soutenir ou aux gens de le soutenir sur la question des bandes organisées et blanchiment d'argent. Ah ouais. Parce que blanchiment d'argent, il y en a eu, tu vois. Et la question, il y est, comment ça s'est fait, que ça s'est fait, et qui c'est qui a commandé l'affaire, quoi, tu vois. Et bandes organisées et blanchiment d'argent, il ne faut pas oublier que c'est le métier principal des banques. Oui. Il faut rappeler que les banques, les grandes banques, HSBC en particulier, dans tous les lieux de production massive de drogue interdite. Ah oui, absolument. En fait, si tu veux, là, les HSBC, il a été. HSBC, qui c'est la banque chinoise géante, il a déjà été condamné et il a payé 1 milliard d'euros pour le blanchiment d'argent de la cocaïne des Sinaloa. Un truc de fou. Ah, mais en fait, 1 milliard d'argent, ça ne fait même pas 0,1 de leurs actifs. Donc du coup, ils se sont excusés par contre publiquement. On est désolé d'avoir blanchi de l'argent, de la cocaïne, des fentanyl et tout cela. Et on vous paye. Et personne n'a été en tol, rien. Hein. Ah bah non. Et ils ne sont pas en préventive depuis 7 mois comme ces compagnons-là. Mais... Ça, tu sais, il y en a. C'est les petites choses qui ramènent les sourires, comme quand on parlait l'autre jour de la station de ski qui a été occupée pendant les Nouvel An. Exactement. Comme des lieux qui sont en train de s'ouvrir, comme des petites moments de résistance, comme la mort. Comme aux États-Unis, la tirelire qui s'est mise en place pour soutenir. Luigi. Pour soutenir Luigi, voilà. Oui, voilà. Tu vois, et en fait, d'un coup, comment ça fait un siècle et demi, il y a l'émergence de ces espèces de personnages vindicadores, c'est les anciens des vindicateurs, tu vois, qui supportent pas seuls, qui sont impatients, comme on dit, des compagnons impatients, qui supportent plus la moutonnerie générale, ouais. Et qui finissent pour y aller au carton souvent tout seuls, et ils sont martyrs et des martyrs, et en même temps des exemples compliqués à promouvoir comme mode d'action. Et salutations au courage de ces gens-là, hein. Exactement. Quand même, sous nous. Alors, tu as des éphémérides cette semaine?